Chapitre 12e, la demande en interdiction. Octave de Vallombreuse, en quittant l'hôtel de la rue de Courcelles, ressemblait à un homme ivre. Il marchait en trébuchant, sans direction arrêtée, et dans sa marche, tantôt rapide, tantôt lente, il coudoyait, sans les voir, les passants qui se trouvaient sur son chemin. Son cerveau était en feu. Après 2 heures de cette course fiévreuse, son sang peu à peu se calma, et il put coordonner ses pensées, jusque-là confuses, et réfléchir. Deux voies s'offraient à lui, l'une et l'autre également douloureuses, également terribles. Et comme tous les cœurs qu'une indigne passion a énervés, il demeurait irrésolu. Il en était là de ses réflexions, de ses luttes, lorsqu'en levant la tête, il s'aperçut qu'il se trouvait devant son cercle. Il monta, se jeta sur un canapé, prit un journal, et lut sans comprendre ce qu'il lisait. Il se leva ensuite, passa dans la salle de billard et fit une demi-douzaine de parties. Il les gagna toutes, bien qu'il n'apportât aucune attention à son jeu. 6 heures sonnèrent. Un de ses amis lui frappa sur l'épaule. « Tu ne dînes pas aujourd'hui chez la duchesse ?» lui demanda cet ami. « Je dînerai ici, » répondit Octave. « En ce cas, je t'invite. » Lorsque le jeune duc de Vallombreuse quitta son cercle, la pendule marquait 1 heure du matin. Il était trop tard pour qu'il songeât à retourner rue de Varennes. Son amphitryon lui offrit l'hospitalité. Il accepta. Le lendemain, quand il s'éveilla, il était tout courbaturé et il avait la fièvre. Il demeura couché toute la journée et le lendemain. Le surlendemain, il prit congé de son ami et monta dans un remise après avoir indiqué au cocher l'hôtel de la duchesse. Malgré tous les dérèglements de sa vie, Octave, lorsqu'il ne devait pas dîner chez sa mère, ce qui lui arrivait assez fréquemment, avait soin de l'en prévenir par un mot. Pour la première fois, il ne l'avait pas informé de son absence et cette absence datait de 3 jours. Il songea alors à l'inquiétude dans laquelle devait être plongée la duchesse, Ève et Marcel, et il improvisa, tout en fumant un cigare, un petit roman pour expliquer son école buissonnière. Sa pensée se reporta ensuite sur Célestine Marbot, qui elle aussi, et en cela il ne se trompait point, devait s'étonner et s'alarmer de ne pas l'avoir revue. Il tomba de nouveau dans ses irrésolutions. Tel qu'aveuglé qu'il pût être par sa passion insensée, il n'envisageait pas sans terreur, et disons-le, sans une certaine révolte de sa conscience, la voie désastreuse dans laquelle son indigne maîtresse voulait l'engager. Enfin, un bon mouvement le prit. Ruiner ma mère, compromettre l'avenir de mes sœurs, ce serait une infamie, se dit-il. Il était arrivé devant l'hôtel, il paya le cocher et sonna. La porte s'ouvrit. Au moment où il allait traverser la cour, le Suisse courut à lui et lui remit un papier sous enveloppe. Il l'ouvrit, lut, pâlit. Un éclair de colère jaillit de ses yeux. Il serra le papier dans sa poche, se fit rouvrir la porte, et comme le cocher qui l'avait amené n'était encore qu'à quelques pas, il le héla, puis, s'élançant dans la remise, « Rue de Courcelles, » dit-il. Que renfermait donc le papier qui venait de lui être remis et qui avait opéré un si brusque revirement dans ses résolutions premières. Ainsi que le jeune duc l'avait supposé, Célestine Marbot avait été fort surprise le lendemain de ne pas le voir arriver à son heure habituelle. Martineau, qui était venu dans la soirée afin de prendre, revêtu de la signature d'Octave, les lettres de change en blanc qu'il avait apportées le matin, apprit, non sans effroi, qu'il n'avait point reparu. Le lendemain, il accourut rue de Courcelles. Pas plus d'Octave que la veille. Célestine Marbot se perdait en conjectures. Martineau était atterré. Il eut même à cette occasion un mot assez plaisant. Est-ce que cet imbécile-là serait assez spirituel pour nous échapper? Pendant qu'il s'ingénia à trouver le moyen de savoir ce qu'Octave de Vallombreuse était devenu, 2 coups violents de sonnette retentirent. Célestine Marbot et Martineau se regardèrent simultanément. Lui enfin, dit Célestine. Mais que va-t-il supposer en me voyant ici? Reprit le reporter. Reste, et j'expliquerai ta présence, répondit l'actrice. Au même moment, la porte s'ouvrit, et le jeune duc se précipita comme un ouragan dans le salon. Célestine courut à lui, et lui passant les bras autour du cou. Toi, c'est toi. Depuis 3 jours que je ne t'ai vu, je suis comme un corps sans âme. Mais pourquoi ce visage bouleversé, cette pâleur? Que t'est-il arrivé, mon chéri? Octave, dans son agitation, n'avait point aperçu Martineau. Il tira le papier timbré de sa poche et le tendant à l'actrice. « Tiens, Lis cela. Ma mère veut me faire interdire. » Célestine lisait attentivement. « Ah, elle était bien mal inspirée, » continua-t-il avec exaspération. « Car il y a une heure que j'étais décidé à repousser tes conseils, à me séparer de toi. Mais elle me déclare la guerre, et je n'ai plus de scrupules à avoir. Donne-moi les lettres de change, je vais les signer. » « Tu es un balombreuse des pieds à la tête, toi, » répondit l'actrice, dont les yeux rayonnèrent. « Attends, je vais te chercher les billets. »« Un instant !» fit Martineau en s'avançant. « Je doute que Salavert, en présence de cette demande en interdiction, consente à donner suite à la négociation. » Le jeune duc, qui se croyait seul avec Célestine, se retourna vivement. « Monsieur, » dit sans se déconcerter l'actrice et en désignant Martineau, « est l'intermédiaire du prêt des 200 000 francs. » Martineau s'inclina. « Et quel est ce monsieur Salavert ?» demanda Octave. « C'est le dépositaire des fonds de Miss Colfax, » répondit Martineau, « et il vous faudra sans doute employer les grands moyens, si vous voulez qu'il ouvre sa caisse. »« Qu'appelez-vous les grands moyens ?» dit le jeune duc surpris. « Ceux auxquels on a recours pour mettre à la raison les grands-parents, lorsqu'ils sont par trop récalcitrants. En quoi consiste-t-il ?»« Je ne suis pas ferré en fait de procédure, » repartit Martineau, « mais j'ai un ami, un avocat de savoir et de talent, qui pourra vous renseigner sur la marche à suivre en pareilles circonstances. »« Comment s'appelle-t-il » demanda Célestine, qui savait parfaitement de quel avocat il s'agissait. « Il s'appelle Maître Maxou, madame, » répliqua Martineau, « et il demeure rue Jacob 24. »« Mon pauvre chéri, » repartit Célestine Marbourg en embrassant Octave, « on t'attaque, défends-toi. Va trouver cet avocat sans perdre une minute. » « Et prouve que tu es un homme. »« 10 heures, » dit Martineau en consultant sa montre. « Maître Maxou ne sort jamais de chez lui avant 11 heures. Vous êtes sûr de le trouver. Moi, je cours informer Salavert de la tuile qui vous tombe sur la tête et de votre résolution bien arrêtée de mettre opposition à la demande de madame votre mère. » Poussé, entraîné des deux côtés à la fois, Octave de Valombreuse crut faire acte d'énergie en suivant le conseil intéressé qu'on lui donnait. Il sortit de l'hôtel de la rue de Courcelles en compagnie de Martineau. Parvenu à la place de la Concorde, ils se séparèrent. Martineau pour aller trouver Salavert à son étude, le jeune duc pour aller consulter Maître Maxou. « Je sais ce qui t'amène, » dit le maître clerc en voyant Martineau entrer tout effaré dans son cabinet. « C'est cette demande en interdiction que mon patron a lancée contre Octave, n'est-ce pas ?»« Précisément. » « Notre jeune homme a-t-il signé les lettres de change ?»« Pas encore. » « Ce n'est que partie remise, alors, tu crois, parbleu. Si impatiente que soit madame sa mère de faire interdire son fils, le jugement ne peut être rendu que dans 2 mois. Comment ? Il faut autant de temps pour une chose aussi simple. Tout autant, mon très cher. D'abord, requête au président qui renvoie l'affaire au juge de paix, lequel convoque le conseil de famille. Puis, quand le conseil de famille a donné son avis, le président délègue un juge pour interroger celui dont on demande l'interdiction. Ces formalités remplies, la chose est portée devant le tribunal qui statue. Suppose maintenant qu'il est appel, et nous sommes en présence de nouveaux délais. Tu vois donc bien qu'il n'y a point péril dans la demeure, et les lettres de change ne nous échapperont pas. Et que faut-il faire pour le moment ? Répliqua Martineau. Ne pas laisser refroidir les excellentes dispositions de ce brave jeune homme, répondit le maître clerc. Et puisqu'il est fermement résolu à former opposition à la requête introduite par sa maman, lui faire signer la petite procuration que je vais te remettre. » Salavert sortit alors de son tiroir un papier couvert d'une écriture fine et minutée. Martineau la glissa dans son portefeuille et s'en retourna en toute hâte raconter le tout à Célestine. « Nos petits bateaux remontent sur l'eau, » lui dit-elle. « Mais tu es bien sûr de Maxou. N'est-il pas des nôtres ? Tu m'avais dit qu'il était en bisbille avec la fille de l'Américain, au sujet du baron de Lavernay et des pins beiges de fille de la Duchesse. « Quant à Octave, il ne l'abandonne. »« Eh bien, allons déjeuner, » dit Célestine Marbeau. Il emmena Martineau dans sa salle à manger. Maître Maxou habitait un modeste entresol au numéro 24 de la rue Jacob. Il se disposait à se rendre au palais de justice au moment où le jeune duc se présenta. « Monsieur, » lui dit Octave, « je désirais vous consulter au sujet d'une affaire délicate. » « Je vous écoute, » fit Maxou, en offrant un siège à son client inconnu. Octave lui apprit qu'il était, et les faits que nous connaissons, ses folies de jeunesse, sa ruine rapide, la demande en interdiction formée par sa mère, et son intention de s'opposer à cette demande. Et dans quel but voulez-vous y faire opposition ? Lui dit maître Maxou. Le jeune duc hésitait un peu, puis il répondit « Mais pour conserver ma liberté d'action. » « Et pour emprunter à nouveau, sans doute ?»« C'est vrai. »« Pour emprunter sur votre nom, monsieur le duc, » reprit l'avocat d'un ton grave, « et donner, puisque vos biens sont passés dans des mains étrangères, pour gage de l'emprunt que vous les contractez, l'honneur de votre famille, c'est bien cela, n'est-ce pas ?»« L'honneur ? Oui, l'honneur. Car si vous ne remboursez pas la date fixée des sommes empruntées, vos créanciers auront le droit de vous dire et de crier partout et bien haut que vous avez volé leur argent. »« Monsieur, » dit Octave en se levant, « vous m'insultez. »« Bien, très bien, » reprit Maxou. « J'aime cette colère. Elle me prouve que tout n'est pas mort en vous et que vous pouvez vous relever de votre chute. Voyons, calmez-vous et apprenez-moi comment vous comptez payer vos nouvelles dettes puisque vous ne possédez plus un sous-vaillon. » « Ne craignez rien, monsieur, » dit le jeune duc, encore tout pâle de colère. « Ma mère, plutôt que de voir ses dettes impayées, donnerait son dernier morceau de pain, et mes sœurs n'hésiteraient pas à faire abandon de leur dot. » « Et en présence de pareil dévouement, monsieur le duc, vous ne trouvez pas dans votre cœur assez de volonté, assez d'énergie pour triompher d'une indigne passion ? Comment ? C'est à une femme dont vous n'avez pas été le premier amant, et dont vous ne serez pas le dernier, que vous sacrifieriez cette chose sainte qu'on nomme la famille ? Non, c'est impossible, vous ne le ferez pas, car vous ne mériteriez pas de porter votre nom. » Il y avait dans la voix, dans le regard et dans les gestes du jeune avocat un je ne sais quoi de si persuasif, de si entraînant, qu'Octave se sentit remué jusqu'au fond des entrailles et toute sa colère tomba. « Vous avez raison, monsieur, » répondit-il d'un ton ému. « 100 fois, je me suis adressé les paroles que vous venez de me faire entendre, mais toutes mes résolutions se sont évanouies devant un regard ou un sourire de cette femme que je voudrais pouvoir haïr. » « Croyez-vous donc être le seul qui ait à lutter contre votre cœur ?» reprit Maxou. « Mais tous, tant que nous sommes, nous avons passé par là, et dans des conditions avouables et par conséquent plus douloureuses que la vôtre. Allons, dépouillez votre passé, montrez-vous à la hauteur du nom que vous avez l'honneur de porter et rompez avec Célestine Marbeau. » « Je la quitterai aujourd'hui, » répondit Octave en baissant les yeux. « Que demain, je me traînerai à ses pieds, en la suppliant de me reprendre. « En êtes-vous donc arrivé là ?» dit l'avocat qui involontairement se sentait pris de compassion pour le fils de cette duchesse de Valombreuse, de cette femme qu'il savait coupable du crime imputé à Flavia. Octave courba la tête sans répondre. « Vous êtes venu chez moi pour me demander un conseil, » poursuivit maître Maxou. « Voici celui que je vous donne. Allez de ce pas trouver votre mère, obtenez d'elle qu'elle retire sa demande en interdiction et puis engagez-vous, non pas demain, mais aujourd'hui même, dans un régiment d'Afrique. C'est dans le rude métier de soldat que vous vous tremperez et que vous recouvrerez un jour avec le sentiment du devoir, la dignité de vous-même. « Je tâcherai de faire ce que vous me dites, » répondit le jeune duc en se retirant. « Flavia ne me pardonnera jamais d'avoir apporté des entraves à sa vengeance, » pensa Maxou après le départ d'Octave. « Que m'importe, après tout ? J'y agis selon ma conscience. » Le jeune duc de Valombreuse, en quittant maître Maxou, était bien décidé à retourner chez sa mère et à implorer son pardon. Mais, comme toutes les natures faibles, l'action l'effrayait. Au lieu de s'en aller rue de Varennes, il s'enfuit à son cercle dans le louable dessein de songer à l'attitude repentante qu'il prendrait en abordant la duchesse. Arrivé là, et afin de se donner le courage qui lui manquait, il demanda de l'absinthe. On lui servit le flacon demandé, et coup sur coup, il se versa un verre, puis un second, puis un troisième. Presque aussitôt, il se sentit enveloppé par une torpeur somnolente. Peu à peu, sa volonté première s'affaiblit, une idée traversa son cerveau, fugitive d'abord, ensuite obsédante et fixe. Il voulait revoir Célestine Marbeau, la serrer une fois encore dans ses bras, s'agenouiller à ses pieds et lui dire un éternel adieu. Il se versa un quatrième verre d'absinthe, se leva, sortit, prit en remise et se fit conduire rue de Courcelles. Célestine et Martineau l'attendaient avec la plus vive impatience. « Eh bien, » fit l'actrice, « que t'a dit ton avocat ?» Octave s'avança en titubant et regardant Céline Marbeau avec des yeux alourdis par l'ivresse. « Mon avocat trouve que ma mère a raison de me faire interdire. » L'actrice lança un coup d'œil courroucé à Martineau, puis s'adressant au jeune duc, « Ton avocat est un imbécile. Laisse-moi faire et signe-moi cela. Je te trouve un homme d'affaires plus spirituel que Maxou. » Elle lui présenta la procuration préparée par Salabert et que Martineau lui avait remise. « Où faut-il que je signe ?» demanda Octave, qui avait peine à se tenir sur ses jambes. « Là !» fit Martineau en lui passant une plume. « Bien, je vois la place. » Il prit la plume dans sa main qui tremblait et il signa. À peine eut-il apposé son nom au bas de la procuration qu'il trébucha et tomba comme une masse inerte dans un fauteuil. Martineau courut à lui. « Laissons-le cuver son vin !» dit Célestine en l'arrêtant, puis serrant la procuration dans son secrétaire. « Avec ce papier-là, continua-t-elle, je tiens dans ma main la duchesse et j'aurai les 200 000 francs. »